Bonsoir ma grande dame, pas très content de te revoir. Il pleut sur ton macadam, les gens passent sans t'apercevoir. T'es si jolie, tu m'impressionnes. Toutes ces années, tous ces combats, mais malgré tout, tu carillonnes. Donne-moi ta force, protège-moi vu sur toi. Je t'implore, veille sur moi. Comme un accord, libère-moi de ce décor. Redonne ma force d'autrefois. Quelquefois, je penserai à toi. Quelquefois, bonsoir ma grande dame. Dans cette chambre, je tourne en rond, pas très réjouissant. Le programme, je connais par cœur. Le plafond, j'aimerais plutôt être comme ces gens qui marchent, qui courent et qui t'ignorent. Savent-ils vraiment ce que je ressens? Mais eux au moins, ils sont dehors avec vue sur toi. Les portes s'ouvrent, je t'abandonne. Finalement, c'est pas un drame. Je suis dehors et je fredonne un air gai pour te remercier. Une ritournelle, rien que pour toi sur ton parvis. Je te promets de revenir pour t'admirer vu sur toi. Je penserai à toi.